écrasé, écrasé, il faut gringoper. Tout le monde a les lapos à miser. Tout le monde a les lapos à miser. Nous ça fait la fête à soir, grâce le tas à Lorraine de Fille. Amuser, créer, il faut amuser. Amuser, créer, il faut amuser. Il faut craser, craser, craser, craser. Il faut gringoper. Tout le monde a les lapos à miser. Tout le monde a les lapos à miser. Nous ça fait la fête à soir, grâce le tas à Lorraine de Fille. Ça défoulait.